Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Petite séance de rattrapage pour Avengers Endgame, donc le 22e film de la saga MCU, qui a débuté en 2008 avec Iron Man. Et aujourd'hui, on a droit à cette suite de Infinity War, qui est sortie l'année dernière. Entre deux, on a eu Captain Marvel, qu'on avait aussi chroniqué. Donc dans un premier temps, comme j'ai... on va donner un avis global sur le film et on va tout de suite commencer. Donc je te laisse la parole déjà dans un premier temps. Alors, on va revenir là-dessus malgré le podcast qu'on avait fait, parce que avec tout ce qu'on entend, on voudrait quand même un peu donner notre point de vue qui diffère ou qui rejoint certains, on va dire, chroniqueurs bien célèbres. Donc moi, mon point de vue général sur le film, je me suis quand même pas mal ennuyé devant le film. Même en y repensant après coup, je me dis, ouais, il y a quand même eu pas mal de ventre mou dans le film, et puis des incohérences dont on reviendra plus tard dans une partie spoil à mort. Hein. On va être obligé de spoiler à mort, sinon on pourra pas donner notre avis. Et voilà, moi, un film long, ennuyeux dans certaines parties, et qui manque de jouissif dans d'autres. Ouais, je te rejoins sur, je peux pas te contredire sur la longueur du film, parce que j'ai trouvé ça vraiment trop long. Ça approche les 3 heures, mais on les voit quand même. Il y a beaucoup de scènes qui sont inutiles, qu'ils auraient pu enlever. Il y a des personnages il y en a qui sont bien traités, d'autres qui sont carrément négligés pour moi. Mais il y a aussi le fait que, pour moi, il y a 1 heure que ça fonctionne pas trop mal. Puis après, il y a un défilé de fanservice pour moi. Je ne sais pas si tu veux revenir sur ce côté fanservice ou est-ce qu'on va en parler un peu plus dans les spoilers. Et voilà quoi, avec un gros ventre. J'essaie de répéter ce que tu dis, mais un gros vide, quasiment vide en plein milieu du film. C'est-à-dire qu'après, pour reprendre le truc, puis le scénario, moi j'ai trouvé un peu faiblard, il faut le dire. Parce que il y a clairement, trois parties dans ce film, on va un petit peu détailler après. Et il y a la première qui fonctionne à peu près. Et puis après, on a un défilé de fanservice, de clin d'œil, on sent vraiment qu'ils ont voulu faire un gros fourre-tout pour faire plaisir aux fans. Et il y en a beaucoup qui applaudissent des deux mains, on va dire. Mais pour moi c'est de trop quoi. Enfin, je sais pas pour toi. Est-ce que t'as vraiment eu ce sentiment quand t'en foutais plein la vue quoi? Moi je vais rentrer directement dans les spoils du coup. Allez, on y va. Donc si vous avez pas vu le film, sortez votre grotte. Hein, parce que, si vous faites partie des 20% qui n'ont pas encore vu le film. Voilà. Non ouais, voilà. Tu parles de fourre-tout. Il arrive un moment où on a carrément l'impression que. Les gens, ils veulent savoir ce qui arrive à lui, du coup, on te montre ce qui arrive à lui, sauf que, du coup, ça te pète tout le rythme du film. Ouais. On va partir sur le début, c'est quand même bien de nous faire un rappel du snap de Thanos, et les répercussions que ça a, mais c'est assez rapide, en fait. Surtout centré sur Hawkeye, tu vois pourquoi il pète les plombs, quoi. Ouais. Donc Hawkeye, quand il y a 50% de la population qui est disparue de la circulation, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de tuer encore plus de monde. Ouais, moi j'ai trouvé que dans ce film, en fait, Jeremy Renner, qui joue Hawkeye, il avait plus de matériel à jouer que dans les autres films, où il était plus ou moins figurant pour moi. Il était toujours en arrière, et là, il est un peu plus mis en avant comme Avenger, principal, quoi, qui est un peu de l'équipe d'origine. On voit aussi le personnage de Ronin dans une scène au Japon, moment où j'ai trouvé assez réussi, mais... J'aurais un petit peu voulu que le personnage de Ronin soit un peu plus développé, mais ça c'est peut-être demandé beaucoup. En fait, tu vois, c'est un paradoxe dans ce film. Quand tu parles du personnage de Ronin, on te dit juste, c'est Ronin. C'est ça. Voilà, maintenant c'est Ronin. Ah bon, d'accord, super. Et il développe pas. Et après, d'autres personnages où on n'en a pas grand-chose à faire, et là, il le développe. Et il manque de développement dans certains personnages. Si tu prends le personnage de Hulk, alors il passe de Hulk la bête sauvage à Professeur Hulk. Comment? C'est va te faire voir, t'as qu'à être là, quoi. Ouais, puis il est un peu ridiculisé dans le film, quelque part. Non, pas un peu, c'est un comique relief. Ouais, que ce soit quand il fait une espèce de selfie avec les gamins, ou, ou quand bon, je veux dire que j'ai un petit peu souri quand il commence à grogner, à faire semblant de grogner, et de prendre par exemple les bagnoles pour les casser, tu vois, dans la scène de à New York par exemple. Ouais, c'est quand ils font quand ils dispatchent les rôles, moi je vais là, toi tu vas là, et puis toi tu vas là-bas, et puis bah du coup tu peux tout casser sur ton chemin, parce que c'est la guerre, quoi. Ouais. Donc mais il fait un peu le Hulk, c'est le Hulk qui mime le Hulk, quoi. Ouais, tu vois, c'est le Hulk ado blasé, quoi. Ouais. Greux, puis voilà, quoi. Ouais. Puis il y a des faiblesses dans le scénario, du coup, parce que pour aller rencontrer l'ancien, je suis pas sûr c'était le mieux de mettre Hulk, quoi. Bah ouais, parce que c'est pas celui qui inspire le plus confiance dans le lot, hein. Non, c'est sûr, mais bon, c'est Banner, donc c'est vrai que c'est quand même quelqu'un de raisonnable, enfin je pense, mais ouais, cette scène-là, ouais, quand ils sont séparés toutes les deux, j'ai trouvé que visuellement c'était pas mal, mais c'est un peu facile, hein, aussi. Bah, visuellement c'est pas mal, c'est du fanservice. Ouais, c'est, ouais. Regardez l'ancien, ça lui fait pas peur, Hulk, hein, et pouf, elle le fait sortir de son corps comme Strange. C'est, hein. Ouais, c'est la même scène avec Banner. Hein. Mmh. Exactement. Et ouais, bah, on peut peut-être un petit peu passer sur tous les personnages. Alors, le traitement, par exemple, de Scarlett Johansson, Black Widow, là, qui j'ai trouvé qui était pas trop mal, que Scarlett Johansson avait un peu plus aussi de développement dans son personnage. Un peu plus de jeu aussi. Ouais. Ça fait du bien de pas l'avoir juste montré son cul et ses nichons. Ouais, c'est ça. C'est, voilà, elle a un développement personnel qui est mieux. C'est la belle héroïne, donc il faut la mettre en valeur, mais là, c'est un peu moins le coq, on va dire. Voilà, c'est femme forte et fragile à la fois. Ouais. Non, là pour le coup, c'était bien, quoi. Mmh. Voir qu'elle gère un peu tout le... Bah, c'est plus le shield, mais on va dire les forces de défense terrestre, hein, pour les nommer comme ça. Mmh. Et puis de voir que, bah, voilà, elle a pas les épaules, quoi. Et puis, du coup, ça nous fait pas la super femme forte qui arrive à résoudre tous ses problèmes. Non, non, elle en chie quand même, quoi. Ouais. Non, mais t'as tout à fait raison. Bon, moi, ce que j'ai pas trop apprécié, c'est les espèces de pirouettes. Oui, c'est toi qui dois te sacrifier. Non, c'est moi. Finalement, c'est moi. Puis finalement, je tombe dans le trou, mais t'es obligé de me lâcher parce que sinon tu vas tomber avec moi. J'ai trouvé ça un peu lourdeau. Même si le sacrifice de Widow, bon, je vais dire que j'étais un petit peu aussi un peu étonné, quoi. Ouais, puis enfin, moi, je sais pas. Moi, je serais Nebula. Je les avertirais quand même de ce qui les attend. Ouais, ça aussi. Bon, on va reparler de Nebula parce que on va pas digresser sur. On va plutôt bon là c'est pour. On a traité Widow et Hawkeye. Maintenant, on va parler un petit peu peut-être des principaux, c'est-à-dire Captain America. Qu'est-ce que tu en penses de son traitement? Cette histoire de duel contre son double du passé, par exemple, ou même le final, quoi. Donc, j'ai trouvé assez niais, quoi. Dans le final, ça va. C'était seul contre tous et continuera à se battre. Donc là, dans le final, moi, je trouve que ça passe. Enfin, jusqu'à le 5 machina final. Ouais, avec le marteau, tu veux dire. Le marteau et même l'arrivée de tout le monde, hein, voilà, quoi. Après, t'as tous les renforts qui arrivent au moment où ils se relèvent, voilà, c'est un peu gros, mais bon. Après, ils tombent dans des pièges comme Steve contre Steve. Ouais. Voilà, ça c'est un peu dommage, je trouve. Et après, ils tombent dans des trucs un peu plus rigolos, je dirais, à la Indiana Jones ou la scène de l'ascenseur où, je te dis, dans le podcast, quand j'en avais parlé, en salle de cinéma, j'ai dit non, il ne faut pas refaire battre Steve dans l'ascenseur, c'est super redondant. Puis non, qui dit Hail Hydra et puis qui repart avec le truc. Ouais. Ça, par contre, c'était bien pensé. Ouais, c'est bien pensé, mais c'est un clin d'œil à Secret Empire, quoi, quelque part. Du fait que Captain America ait rejoint le camp adverse. Mais ouais, c'est une bonne façon, un petit peu plus subtile, d'éviter la redondance avec la bagarre du Winter Soldier, par exemple. Ouais, ça m'a fait penser à Indiana Jones quand Harrison Ford n'avait pas envie de se battre parce qu'il y avait la chiasse, hein, faut dire ce qu'il faut. Ça, ouais. Et puis voilà, ils font une scène vite fait, boum, je tire dessus. Bah oui, ouais. En même temps, quand tu vois la scène, tu te dis, bah ouais, t'as un flingue, tu tires sur le mec. Et là, ça m'a fait penser à ça, dire, on va pas tomber dans la redondance, la scène de l'ascenseur, les mêmes plans, les mêmes personnages, la même main sur le flingue. Mais non, ça va, il ira et je me barre avec le truc. Ouais, c'est ça. Bon, moi, sur Captain America, ouais, j'ai pas grand-chose à dire, Chris Evans est très bon. Mais on parlera un peu plus du final parce que on va passer à Iron Man, son traitement avec Stark, dans Downey. Ah bah là, tu vois, tu me parlais de facilité scénaristique tout à l'heure. Oh, on n'a pas eu la pierre, bah c'est pas grave, on va aller dans le passé. Bah, après, tu te dis, pourquoi vous n'y avez pas été dès le début? Et après, tu te dis, ah ben non, c'est vrai, il faut que Stark aussi résolve ses problèmes avec son père. C'est juste pour ça. Ça, c'est des scènes qui sont un peu faciles. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper facile. Il tombe par hasard sur son père dans la base. C'est pareil, hein, dans le passé, les facilités scénaristiques, c'est il tombe sur sa mère, Thor tombe sur sa mère à Asgard. Stark tombe sur son père dans la base américaine. Il y a Rogers qui doit se cacher dans un bureau. Comme par hasard, c'est le bureau de Carter. Je trouve que ça me fait un peu lourd, quoi, quand même, comme coïncidence. Hein. Bon, après, c'est là, on veut te faire une... Pas une happy end, mais une repentance de tous les personnages. Mais enfin, on te les enchaîne à une vitesse. C'est un peu. Bah, on t'en met plein la gueule, quoi. Non, mais en gros, on te fait une liste. Ouais. On dit lui, c'est fait, et c'est coché, quoi. Ouais, c'est fait. Et conclusion, bah, tu perds tout le rythme du film. Ouais, c'est ça, c'est que. On commence le fan service, on commence un petit peu à brosser le public, aussi bien le bon public que le public, comment dire, averti, je vais dire, expert dans le comic book, quoi. Ouais, et puis c'est tire-larme, c'est-à-dire, regardez, là, lui, vous le verrez plus. Ouais. Ça fait vraiment ça. Regardez, il se repent, voilà, il est repenti, alors vous le verrez plus. Que ce soit Black Widow, Stark ou Rogers. Ouais. Voilà, on le sait qu'on les reverra plus parce qu'ils ont tous, on va dire, une repentance de leurs actes. Moi, je trouve que c'est quand même assez paresseux au niveau scénario parce que dans la deuxième partie, c'est le voyage dans le temps. Déjà, dans un premier temps, c'est faire revenir les personnages dans des scènes qu'on a déjà vues. En fait, quand tu regardes, ce sont des scènes alternatives de scènes qu'on a vues dans les précédents films. T'es d'accord avec moi? Donc, c'est quand même une réécriture de scènes. De scène quelque part, on va pas chercher à faire de l'original, on va un petit peu flatter le spectateur qui a vu tous les films, quoi, quelque part. C'est ça que moi je reproche un petit peu à ce film, c'est d'être un peu paresseux, quoi, finalement. Ouais, puis il y a un petit manque de réflexion, c'est-à-dire que je pense que dès le début, il voulait partir dans un voyage temporel, alors qu'en explorant le royaume quantique, il retrouvait toutes les pierres. Enfin, ça, c'est un détail. Ouais. En VO ou en VF, on n'a pas la même version. Et puis voilà, quoi, c'est juste, ils voulaient se faire un kiff de repartir dans le passé et de retourner un peu les mêmes scènes qu'ils avaient vues, mais à la Doctor Who, quoi, avec un œil extérieur, mais faut pas intervenir quand même, alors qu'on intervient, puis que... En gros, ils disent, faut pas foutre la merde, ils foutent la merde partout. Ouais, en fait, ça part un peu en couille, cette affaire, parce que, il y a un moment, je sais pas si tu te souviens, il y a Loki qui récupère le cube, pas de conséquences, voilà. Bah c'est pas grave, hein. on va aller plus loin dans le passé, puis on va récupérer le cube dans la valise. Enfin, facile, quoi. Mais ensuite t'as le traitement de on va passer ça à ce scénario parce que faudrait qu'on raconte tout le film et c'est pas le principe du truc. Après, voilà, c'est pas pour les défendre, mais ouais. Ça termine une saga. Il y aura forcément des conneries. Ouais, mais bon, moi je suis d'accord que tu défends un peu. Moi je suis un petit peu plus sceptique que. Quant au déroulement du scénario, quoi. C'est ça le problème. Mais voilà, quoi. Et on va aborder quand même un gros défaut du film qui, pour moi, c'est le traitement de Thanos, quoi. Alors, dans Avenger Infinity War, on nous montre un Thanos, on va pas dire qu'il a raison, mais voilà, qu'il y a des motivations. Ses motivations sont fondées, il est très réfléchi, il est très pragmatique, il est très posé, il a un objectif à atteindre. Il fera tout pour l'atteindre, mais il est neutre, hein. Il casse la gueule des gens parce qu'ils sont sur son passage. Voilà. Et puis il a un objectif à atteindre, snapper la moitié de l'humanité, enfin pas de l'humanité, des êtres vivants. Voilà, une fois qu'il a atteint son objectif, il pète pas de plus haut que son cul, il se barre. Hein. Ouais, mission accomplie, je me casse. Et là, dans cette partie-là, on a un Thanos complètement. Un Thanos vengeur, quoi. Il est là pour se venger quelque chose qu'il a pas encore fait. Ouais, exactement. Moi, je trouvais que le personnage avait plus de profondeur dans Infinity War. Il y avait vraiment une motivation, comme tu disais. Et là, il est complètement réduit à une caricature de vilain du MCU. Je sais pas si tu as la même pensée, mais c'est juste le gros con qui veut détruire l'univers, quoi. Ouais, et rien de plus, quoi. On est passé du mec qui a un dogme, pas toujours défendable, mais je veux dire, qui a sa vision, qui t'explique qu'il a raison de toute façon et que tu l'arrêteras pas. Ouais. À quelqu'un qui dit, je vais tous vous niquer, j'en ai rien à foutre, je suis méchant, greux. C'est vrai que ça se limite à ça. Et voilà, quoi, c'est une des déceptions, outre le fan service outrancier, je veux dire. On va aussi parler du traitement de Thor. Qu'est-ce que t'as pensé de ce personnage qui finalement il devient une espèce de SDF, quoi, quasiment, quoi. C'est le paradoxe Thor. Dans Thor 1, c'était quelqu'un de très sérieux. Dans Thor 2, voilà, pareil. Après, t'as Thor Ragnarok où c'est quelqu'un léger. Et là, ils savent pas jongler entre les deux. C'est ça. Et il est sérieux parce qu'il coupe la tête à Thanos. Et il est léger parce qu'il a un bid à bière et que ça devient le beauf de France, quoi. Ah, c'est le beauf, ouais. Ouais, mais ouais, que tu, enfin, je veux dire, non, ça colle pas dans votre histoire. Le mec, il l'emmène à Asgard, tout ce qu'il pense, ça allait saouler la gueule, jusqu'à ce qu'il voit sa mère qui rattrape son marteau en laissant son collègue dans la merde, d'ailleurs. Mais, c'est Rocket, tu veux dire ? Hein ? C'est Rocket ? Non, non, son Thor du passé. Son équivalent, tu veux dire ? Oh, coup, ouais, enfin, d'accord, ouais. Enfin, Rogers lui rend la fin, c'est pas grave. Oh, mais ouais, ouais. Mais je veux dire. Ça fait Thor, il se repent pas, quoi. C'est juste le gros connard qui est là pour montrer qu'il en a une plus grosse que les autres, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un... Ouais, c'est le côté un peu ridicule, quoi. Enfin, Thor, moi j'ai bien aimé, c'est la répartie contre Star-Lord. D'ailleurs, Star-Lord est devenu officiellement le personnage le plus détesté du MCU, quoi. Je sais pas ce qu'il a fait Chris Pratt, mais bon... Je sais pas si c'est la faute à Chris Pratt ou si c'est le... C'est le comportement complètement ridicule de Star-Lord dans Infinity War qui a fait ça. Mais quand ils font une espèce de duel verbal dans le vaisseau, de dire c'est moi le commandant, hein. Ouais, t'es le commandant, mais c'est moi qui commande quand même, quoi, tu vois. Ouais. Ça, c'était comique, j'avais trouvé, quoi. Après, pour revenir sur Thor, c'est bien qu'il se barre de la nouvelle Asgard aussi, quoi. C'est ça. Bah, vivre sa vie, c'est bien, ça change. Ouais. Ça permettra de renouveler un petit peu le personnage parce que pff, là, il tournait en rond. Et puis, je veux dire, de faire passer de comique à très dur, à recomique et très dur quand même, ça lui allait pas du tout. Enfin, on avait bien aimé Thor Ragnarok, hein, où il y avait quand même beaucoup de dérision. Hein. Bah, c'était un buddy movie, donc forcément, c'était mieux. Mais tu vois, l'esprit colle pas avec un Infinity War ou avec Cut un Endgame. Ouais. Ça peut pas faire un buddy movie. Non, c'est vrai que dans le dernier, il était plus combatif, il était plus guerrier. Enfin, on reconnaissait le dieu de la foudre. Que là, on reconnaît plus, quoi. D'ailleurs, il a une HPT de pouvoir où il arrive à rivaliser avec le gant de l'infini. Mais ah ouais, là, même pas. Là, tu t'abordes le rapport de force. On va en parler tout à l'heure. Ouais, et les personnages sont complètement nerfés. Ouais. On en reparlera dans le final. Je pense que. Ouais, donc on a abordé un petit peu tous les personnages qui posaient problème ou qui étaient mieux exploités, ça, c'est selon le sens. Il y a peut-être un autre personnage qui te revient et que tu voudrais parler. C'est le Captain Marvel, complètement négligé. Non, mais c'était prévu pour, parce qu'ils ont juste fait un film pour rattacher, en gros, l'univers Marvel avec l'univers Avengers. C'est tout, quoi. C'est tout, mais ça t'a pas choqué plus que ça, qu'elle fait pas, qu'elle à la rigueur, qu'elle devienne pas le nouveau leader des Vengeurs ou quelque chose comme ça. Non, enfin, je parle pas... des Vengeurs parce que... Ça m'a pas choqué plus que non, ça. Non, parce que ouais, ça. C'est... Je savais que c'était un personnage qu'ils étaient obligés de mettre au second plan parce qu'elle est occupée ailleurs comme par hasard et puis voilà quoi. Ouais. Donc on va aborder pour moi le volet le plus hard du film. C'est donc il y a ce voyage dans le temps, tout ça, ils reviennent avec les pierres. Tout va bien, on va dire. Et ils arrivent à faire ramener toutes les personnes qui avaient disparu. Avec 5 ans d'intervalle, je pense. Au bout de 5 ans, ils font ramener tout le monde. D'accord. Donc, et puis, tout d'un coup, on découvre que dans l'intervalle, il y a Nebula qui arrive à capter une transmission de la Nebula du futur. Ah oui, alors ça, quand ils vont chercher les pierres. Ouais, c'est par ça. Par le Wi-Fi intergalactique. Oui, le Wi-Fi, oui, exactement. Ouais. C'est quoi ce délire, quoi ? Il n'y a pas de verrouillage. Ouais, t'as l'impression qu'il y a un mec qui est en train de gueuler dans un coin. Scénarité, scénario, facilité scénaristique, s'il vous plaît. Et puis pouf. Voilà. Ta gueule, c'est magique. Ouais, non, c'est ta gueule, c'est magique, ou ta gueule, c'est la science. Ouais. Ouais, ou alors, il faut bien qu'on avance, les mecs. Oh. Et puis voilà. Puis il faut trouver une connexion entre le futur et le présent, c'est ça, surtout le truc. Il faut ramener Thanos. Bah, on n'a pas de vilain. Il faut ramener Thanos. Voilà. Donc, on le ramène, mais on le ramène vraiment à la truelle, quoi. J'ai envie de dire que. On le ramène vraiment, voilà. Est-ce que je peux dire la truelle? On le ramène à la Palpatine. Ouais. On n'a pas d'autre choix. c'est ça, hein. Ouais. On n'a pas d'autre choix. Alors, on va ramener Thanos. Mais c'est le même, c'est pas le même. D'ailleurs, il y a Wanda Maximoff qui dit, tu as tué tout ce qui compte pour moi, et qui lui répond très justement, je te connais pas. Je t'ai rien fait, quoi. Excuse-moi, mais on se connaît pas, hein. Ouais. Je t'ai rien fait, quoi. Et, par l'autre. Alors, toi, moi, j'ai émetté l'hypothèse, mais, le vaisseau, comment il peut entrer dans le royaume quantique, vu la masse, le truc, sans avoir le costume de Pym, quoi, le costume spécial. Bah, y a pas besoin de costume, parce que la première fois où Pym va dans le royaume quantique, il y va pas en costume, il y va en vaisseau. Un petit vaisseau de poche, à la limite de la voyage intérieure. Ouais, mais ce vaisseau, il est quand même équipé d'une... C'est juste, en fait, une cage de Faraday pour pas que ton cerveau soit comprimé. C'est-à-dire, faut que tu sois enfermé, en gros, que ce soit dans un costume ou un vaisseau. Pour aller dans le royaume quantique. Là, ils sont enfermés dans un vaisseau. que ce soit dans l'espace ou dans le royaume quantique, voilà, ça. Ouais, mais Pym, ça m'a pas choqué plus que ça. Ouais, mais Pym, il y avait sa combinaison, t'es d'accord avec moi? Non, Pym, dans le premier, il va dans le royaume quantique avec un vaisseau. Avec un petit vaisseau. Tu parles dans Ant-Man and the Wasp. Ant-Man and the Wasp, ouais. Donc il y a quand même sa combinaison. Ouais, mais parce qu'on n'a pas Thanos ni Nebula en fait. Ouais, mais il n'a pas son combinaison quand il voit Janet, hein, Pimp. Faudrait que tu revoies le Ant-Man and the Wasp. Ça, c'est un petit détail. J'ai un doute. C'est un petit détail. Le fait de ramener le vaisseau comme ça, je trouve ça un peu facile, mais bon. Ah oui, c'est facile. Ouais. Ça, on est d'accord. C'est super facile. Surtout que. Il rentre par le. Thanos a des particules Pimp dans sa main et tu pourras remarquer que. Il n'y a pas de notice, mais il sait s'en servir. Enfin, je pense que c'était Nebula, mais ça, c'est une intuition. Mais après, ben. Le truc, c'est que bah, il pulvérise le QG. Donc, bah, bon, y a ça, c'est rien. Une bonne idée. Ça fait pas le méchant à la Bioman où il se met au-dessus et dit « Je vais tous vous tuer ». Non, là, il se met au-dessus et il tire dans le tas. Et il pulvérise. Bon, il n'y a pas un seul blessé, il n'y a pas un seul mort. Par contre, il vise comme un Stormtrooper, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort. Donc, ils sont tous dans le sous-sol alors qu'ils étaient tous quasiment à l'étage, je pense. Enfin, à mon avis, ils seraient tous morts, écrasés. Mais bon, ça, c'est une opinion. On va me dire « Ouais, t'es... » T'es un peu raide dans ton opinion, mais je sais pas, mais il y a certains, je pense pas qu'ils résistent tous à une pression de, surtout un vaisseau comme ça quoi, qui a une portée laser aussi forte quoi. Plasma. Ouais, on va dire ça. Mais bah, voilà, justement, quoi. On va pouvoir rebondir là-dessus sur les rapports de force du coup, parce que ouais, le mec, ça, on en parlera après. Il tire dans le tas, y a pas un mort. En Disons, parce que la base des Avengers, il reste des gravillons, hein, y a plus rien, quoi. Ah bah, ils sont tous dans le sous-sol, quoi. Mais ils tombent tous dans le sous-sol. Ouais. Comme par hasard. Comme par hasard. Tu vois, ils auraient été un niveau en dessous, j'aurais dit, ah là, c'est crédible. Ah non, mais là, ils étaient dans un labo qui était, dans le sous-sol, tu sais pas où, parce que tu les as jamais vus avant, mais ça me fait penser à X-Men Cérébro, quoi, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment bas. Puis en plus, y en a pas un qui se méfie de Nebula, parce que, normalement, ils sont tous là pour l'expérience avec le gant, tu sais, avec le Hulk. Et y en a pas un qui se demande, bah les Moon Nebula au fait, tu vois, il y en a pas un qui se méfie quoi. Bah non, facilité scénaristique. Ouais, donc il y a ce problème aussi, et je vais arrêter de dire donc eux parce que ça m'énerve. Voilà, et on arrive à cette bataille finale, où il y a la Trinité, donc Captain America, Iron Man et Thor, qui vont foutre la pâtée à Thanos, qui est en train de les attendre tranquillement, avec son gros, ouais. Son espèce de grosse massue. Donc Thanos qui a une double lame, ouais. Pas de gants de l'infini, juste non. Lui et une épée. Il a pas son gant doré. Il a pas son gant doré, ah. Et il est marave. D'accord. Il est marave, quoi, il leur met une tannée. Mais complètement, quoi. Parce que t'as quand même Thor qui a Stormbreaker, hein, je veux bien qu'il a pris du gras, mais je veux dire, c'est quand même un Asgardien, gras ou quand même, je sais pas, c'est un dieu, quoi. Ah ouais, c'est un dieu. J'ai quand même l'impression qu'ils ont... Ils ont nerfé ils les ont personnages. Ils ont rabaissé le pouvoir de Thor. Ça s'appelle nerfer les personnages, ouais, ils ouais, rendent moins puissants. Il faut qu'ils soient au niveau de Captain America et de Iron Man. Il faut qu'ils soient tous à même niveau. Et c'est pas très cohérent dans l'univers, je trouve. Parce que quand tu prends la fin d'Infinity War, Thor avec Stormbreaker, le gant de l'infini, il en a rien à péter. Il balance Stormbreaker et le gant, il n'arrive même pas. Ah, exactement. Le gant, il peut rien faire contre Stormbreaker. Mmh. et là, il arrive pas, quoi. Voilà. Non, Thanos, il est même pas le Après, gant. Après, t'as quand même Stark qui se bat quasiment d'égal à égal avec Thanos jusqu'à ce que Thanos pète un plomb et qu'il lui envoie des planètes dans la gueule quand même pour... Ouais. Pour abattre Iron Man. Ouais. Et là, non, une pichenette dans ta gueule et tu décolles à 3 km. Tu vires. Bah, c'est un peu pareil avec Captain Marvel, hein. Si on parle de Captain Marvel, qui arrive à. Bah, tout d'un coup, elle fait un peu le même coup qu'avec Ronan. C'est-à-dire, elle traverse le vaisseau, puis le vaisseau, il part en morceaux. Voilà, à la Star Wars. Alors, t'as l'armée, ouais, c'est justement, ouais. T'as l'armée de Chitauri qui se bat avec. Et là, c'est le festival de caméo, hein. Faut dire que. Du sound service, on en a plein la gueule, quoi. Là, c'est Ready Player One. Ah ouais, là, c'est... La fin, c'est Ready Player One. L'ouverture des passages transdimensionnels, là, je sais pas quoi, des halos de Strange. Et t'as tout le monde qui arrive. T'as même Howard the Duck, mais ça, on l'a vu sur Internet, on l'a pas vu sur... Bah, même dans les plus importants, t'as Shuri, ouais. T'as tout. Et ça, c'est tous les personnages qu'on n'a rien à foutre, couillé, tu vois. Quoi, c'est le Wakanda, c'est le peuple le plus développé de la Terre. Et rien à foutre, quoi. Ils arrivent à la fin juste pour se battre. Ouais, c'est bon, vrai. J'ai pas vu M'Baku, moi j'étais déçu. Moi aussi, c'est, justement, j'allais y parler, mais M'Baku, le carnivore. Mais, voilà, quoi. Mais, bon, ils prennent tous la pause. Et puis, on va parler de ce plan lourdingue, là, ultra féministe, qu'est-ce que t'en penses de ce plan, je prends la pose parce que il faut faire la photo générale, tu vois le truc. Ouais, faut faire la photo générale femme forte parce que c'est la mode du moment. Ouais, elles sont fortes les femmes là-dedans, hein. Tu prends Wanda Maximoff. Oh, elle est balèze. Problème, elle est balèze. Marvel, elle est balèze. Mais là, je veux dire, là, ils te les mettent tous ensemble. Avec Thanos à 300 mètres qui est en train de désinguer les gens. En plus. Et tu sais pas pourquoi. Ouais, en plus, y a même pas de plan parce que ce groupe aurait servi pour éloigner le gant. Mais c'est pas ce qui arrive en plus. C'est que le problème, c'est qu'une fois qu'il y a Spidey qui revient, ben oui, on va éloigner le gant, Ben finalement, ouais, Thanos, il y a juste à claquer les doigts, puis le gant revient dans sa main. Ouais, t'es d'accord avec moi, quoi. Ils éloignent le gant jusqu'à Thanos. moi, je suppose que depuis le début, il travaille pour lui. Hein. Il y a une notion de trahison, tu sais, un peu comme Mysterio, quoi. Non, c'est vrai que cette partie de rugby, là, entre Captain America, Spidey, il y avait qui aussi, Marvel aussi à un moment. Ouais, il y a un peu tout le monde. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça sert à éloigner les plus puissants pour que les autres se fassent défoncer la Trinité Rogers. Bah, ça sert surtout à éloigner le gant, quoi, mais c'est pas ce qui arrive. Ah non, ils le ramènent à ça. Donc, il y a un gros défaut de scénario, c'est pas réfléchi, je trouve, à ce niveau-là. Et voilà, quoi, les rapports de... Il y a d'autres rapports de force que tu voulais peut-être dénoncer, à part Captain Marvel et la Trinité, là. Captain Marvel, le rapport de force, il est à peu près respecté, parce que je veux dire, elle lui tient tête. Hein. Thanos, il arrive, colle des coups de boule, elle a rien, il doit décrocher une pierre de pouvoir pour lui envoyer une rafale et la faire dégager. Donc ça, pourquoi pas. Mais je veux dire, Rogers qui arrive à tenir tête à Thanos avec sa double lame alors qu'il arrache son bouclier, non, vous faites pas de ma gueule. Alors je veux bien qu'il est censé avoir les pouvoirs de Thor parce qu'il a eu le marteau. Oui, à un moment, oui. Mais je veux dire, même Thor, qui avait Stormbreaker et que, je veux dire, il a pulvérisé Thanos, quoi. Il a coupé la tête ou le bras, le film était fini. Et je veux dire que même là, il y a Mjolnir et Stormbreaker, et il se fait marave par Thanos qui a rien. Bah moi j'ai envie de dire que Stormbreaker, on dirait un jouet Hasbro, quoi, finalement. C'est un truc de décoration, rien de plus, quoi. Ouais. Il y a pas de... Parce qu'à un moment, il y a Thor qui prend, les deux, quoi. Et il arrive même pas à l'assommer. C'est problématique que je trouve cette... Le personnage de Thor est problématique pour moi dans le MCU. Non, mais tous les personnages sont problématiques, parce que même la marque, je sais plus combien, avec la nanomachine d'Iron Man, la 85, tu vois, voilà, elle sert juste à faire le snap final. Bon, alors ça, on va peut-être en parler de cette histoire de permutation de gants. Parce que moi... Ils amènent le gant donc de Hulk jusqu'à Thanos. Ouais. Donc il met le gant, qui veut snapper, et Thor essaye de lui arracher le gant, il n'y arrive pas, il l'envoie... Iron Man essaye d'arracher le gant, il n'y arrive pas, Thanos l'envoie bouler, puis Thanos se snap et il se rend pas compte que Iron Man il vient de piquer les pierres. Alors les pierres, je savais pas qu'elles étaient aussi faciles à déplacer à la main. On nous dit bien dans Les Gardiens de la Galaxie que si tu tiens une pierre, tu meurs directement. Ouais. Et bah, puis déjà, là, ils peuvent tenir les pierres comme ils veulent. Bah le Hulk déjà il souffre beaucoup hein, quand il claque des doigts. Même Thanos, il est à moitié détruit. Ouais. Enfin, Thanos du futur qui s'est fait exploser avant. Ouais, celui que le retraité, on va dire. Ouais, le retraité. Ouais. Hulk, c'est vrai que malgré faut quand son même... facteur auto-guérisseur, il est à moitié détruit. Ouais. C'est ça. Et là, c'est vrai que bon, Iron Man, il meurt, certes, parce que de toute façon, il pouvait pas supporter le poids du gant et la puissance du gant. Faut quand même avouer. Mais moi, cet échange. C'est de la facilité scénaristique. Puis moi, il me semble que le gant doré revient entre deux. Hein, mais Le gant doré, il n'a pas pu le faire, parce qu'il n'a pas encore été voir le nain. Donc il n'a pas pu faire son gant doré. Je sais pas si. Faudrait revoir. Je vais revoir le film. Ouais, faudrait revoir les deux. Ouais. Mais Ouais, donc cette scène où Stark meurt avec t'as le Gwyneth. Pepper qui endosse l'armure de Rescue hein, aussi comme gros nouveau personnage qui apparaît parce qu'il y a que celui-là. Et, non, t'as Howard the Duck aussi. Il y a Wasp qui revient. Enfin, on a tout le MCU qui défile à part le collectionneur peut-être. Ouais, mais, le collectionneur et le grand maître arrive pas. Mais le maître Goldblum qui était très très comique d'ailleurs dans Ragnarok. Et ouais, il y a cette permutation, moi ça me pose problème, je trouve c'est pas incohérent quoi, pas du tout bien faite. Le truc vraiment à l'arrache quoi. C'est le cas de le dire, vraiment le truc à l'arrache. Donc Stark meurt et puis on a toute cette scène de pour moi le final est tir en longueur mais mortel. Enfin, je sais pas pour toi. On aligne des scènes sur scènes que ce soit la scène de Stark où il meurt, où il y a Spidey, il y a Peter qui pleure, enfin ils pleurent tous. Il y a la scène de l'enterrement au bout de, au bord de l'eau. Ouais. Avec ce personnage qu'on n'avait pas su identifier dans un premier temps et qui apparaît être le jeune garçon qui était dans Iron Man 3. Et il y a Nick Fury qui revient, mais vraiment en figurant là-dedans. Ouais, un petit caméo. Ouais, caméo. Ouais, Stanley ne peut plus faire de caméo, il est mort. Ouais. Maintenant, on a des caméos. D'ailleurs, je me souviens plus de son caméo dans ce film-là. Tu t'en souviens? C'est dans les années 70 quand il retourne dans le passé, là. Ouais. Il est en voiture et il dit faites l'amour, pas la guerre, Stanley. Ouais, il est pas grimé. Il est rajeuni. Ouais, d'accord. Donc, j'ai pas trouvé que c'était super comme caméo. Mais bon, Après, moi, je voudrais revenir. Voilà, on a fait un peu le tour de tout ouais. ce qui allait pas, enfin, d'après nous. Hein. Mais par contre, moi, je comprends pas qu'il soit encensé à ce point-là, ce film. C'est pas un mauvais film. Avant de parler de ça, je vais peut-être finir sur les multiples fins. À la Retour du Roi, j'ai envie de dire. Ah, c'est bon, on les a vus, à part celle de Rogers. Oui, pourquoi ils avaient besoin de rajouter une scène avec Rogers, et dans le passé, il y avait Peggy, alors qu'on sait que c'était implicite dans le fait qu'ils disent que qu'il est vieux. Encore une fois, ça c'est pour dire aux fans, voilà, ils ont tous eu leur rédemption. Ouais. Stark qui s'est enfin sacrifié pour quelqu'un d'autre que sa gueule. Roger Federer, il a enfin pu pécho sa meuf, et puis voilà, quoi, c'est tout. Quoi. Ouais, mais bon, cette dernière scène, elle est inutile. Puis bon, il donne le bouquet à Falcon. Bah, je lui souhaite bonne chance, Falcon, parce qu'il a aucun pouvoir. Il est pas aussi fort que Rogers, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. Mais voilà, quoi, ce que je voulais dire. Mais toi, tu veux parler du film, de l'engouement global. Alors, je te laisse la parole sur ce point-là. Bah, moi, je comprends qu'il y a un engouement, parce que c'est quand même une fin de saga. Mmh. À la Game of Thrones, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on attend ça. Donc, je peux comprendre qu'il y a un engouement. Mais par contre, je veux dire, que le film soit encensé, ouais, j'ai un peu de mal à le comprendre. C'est pas une daube, hein. C'est pas une daube. C'est un blockbuster normal pour moi. Pour moi, le Infinity War était mieux, était carrément au-dessus du lot que le Endgame. Je suis d'accord, c'est mieux écrit, même s'il y a beaucoup de problèmes au niveau de certains personnages. Je pense aux réactions de certains personnages qui sont pas du tout Star-Lord. Et voilà quoi. Mais moi aussi, j'ai pas compris cet argument. C'est-à-dire que on fait un top 5 MCU et on le met devant des films comme par exemple Winter Soldier, tu vois, ou d'autres films qui sont plus réussis du MCU, quoi, qui dans le scénario sont plus élaborés. Parce que bon, moi je trouve que c'est un peu paresseux comme. Parce que bon, pour moi, c'est une espèce de best-of des 11 ans. C'est tout ce que c'est, avec beaucoup de fanservice, avec festival de caméos ou aventure en voilà. Enfin, tu fais que ça dans la bataille finale, tu fais que ça d'essayer de repérer les personnages qui c'est plein d'être CGI aussi, hein, faut le dire. Et voilà quoi. Mais est-ce que ça vaut tout le patatras que ça vaut quoi? Je sais bien que c'est pour clore une grande saga. Je suis pas mais c'est pas un phénomène comme ça peut être comme avec Star Wars ou Matrix quoi, tu vois. C'est pas comparable pour moi. Non, mais Matrix, le 2 et le 3, c'est pas un phénomène. Non, hein, du tout. Mais le premier quoi, par exemple. Mais le premier, ça clôt pas une saga. Ouais. Donc voilà. Ouais, mais ça a apporté quelque chose de plus. Là, c'est du blockbuster, c'est un blockbuster. C'est rentré dans c'est un modèle qui perdure pendant 10-11 ans, c'est le modèle MCU Kevin Feige. Bon, ça a marché sur le spectateur. Le DCEU avec Aquaman ou Shazam essaye de faire le même, c'est-à-dire la blague, le fan service, la blague, le fan service. J'ai envie de dire que ça jongle entre les deux. Et il y a un modèle qui a perdu. Ouais. Mais après l'avoir construit cette saga du gant de l'infini, oulou, est-ce que à mon avis, le soufflet, il va retomber, quoi. C'est obligé. Ouais, mais je comprends pas. Moi, c'est juste tout ça, en fait. Tu fais que redire tout ce qu'on a dit jusque maintenant. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, moi, c'est l'engouement qui me gêne un peu plus. Dire que c'est l'un des meilleurs films qui est sorti ces derniers temps. Je suis pas spécialement convaincu. C'est pas l'un des pires, c'est clair. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de faiblesses pour quelque chose qui est considéré comme un excellent film. Mmh. Ouais, c'est vrai. Je vais pas faire répéter ce que t'as dit. C'est... Je plus soi, je vais dire. De dire que, il y aura mais je sais pas si on peut dire qu'il y aura un avant et après Avengers Endgame. Tu vois, au niveau des blockbusters. C'est ça que je me suis dit. C'est, en quoi ce film est meilleur que d'autres? C'est ça la question. De dire, Visuellement, ouais, on va dire que visuellement c'est très, c'est réussi. Il y a pas de défaut, je veux dire, au niveau CGI, tout ça. Les acteurs jouent bien, mais ils sont quand même habitués. Ça fait au bout de 10 ans, c'est quand même triste qu'ils s'intègrent pas dans leur rôle. Ils ont suivi leur modèle, ils ont performé. Est-ce qu'il y a des personnages qui ont évolué? Oui, certainement. Mais je suis désolé, moi, c'est de la consommation, c'est tout. C'est du divertissement, de la consommation. Un film de fan pour Clorine, ouais, Saga. C'est ça. C'est le film pour fanboys, pour moi. Le film absolu pour fanboys. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.